marches avec deux doigts pour atteindre le rivage des mains. Tes caresses m'endorment, je trouve toute la douceur. Le rivage des mains, pensées, dessins. Le rivage des mains, pensées au sein. En parcourant tout le corps, espace sombre, j'imagine. Sensation fragile sur la peau pour atteindre le ciel des anges. Le rivage des mains, pensées, dessins. Le rivage des mains, pensées au sein. Thank you.